Pendant mes dernières vacances, j'ai eu la chance de partir en voyage avec ma famille. Nous avons choisi de visiter une ville côtière appelée Riviera. C'était une destination très excitante pour nous car nous avions entendu parler de ses belles plages et de son atmosphère animée. Le voyage a commencé tôt le matin. Nous avons pris un train pour nous rendre à Riviera, ce qui a été une aventure en soi. Une fois arrivés, nous avons trouvé notre hôtel, qui était situé à proximité de la plage. La vue depuis notre chambre était incroyable, avec l'horizon infini de la mer. Nos journées à Riviera étaient remplies d'activités amusantes. Le matin, nous allions à la plage pour nager et nous détendre sous le soleil. L'eau était claire et rafraîchissante, parfaite pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été. Après le déjeuner, nous aimions nous promener dans les rues de la ville, explorer les boutiques et goûter aux délices locaux comme la glace artisanale et les fruits de mer frais. Une journée inoubliable a été lorsque nous avons loué des vélos pour explorer la côte. Nous avons pédalé le long des sentiers côtiers, admirant les falaises escarpées et les criques isolées. C'était une façon fantastique de découvrir la beauté naturelle de la région tout en faisant de l'exercice. En soirée, nous dînions dans des restaurants pittoresques, où nous savourions des plats traditionnels de la région. Les soirées se terminaient souvent par une promenade romantique sur la plage, où nous pouvions admirer le coucher de soleil spectaculaire sur l'horizon. Nos vacances à Riviera ont été une expérience merveilleuse et enrichissante. C'était le moment idéal pour se détendre, se ressourcer et créer des souvenirs précieux en famille. Nous sommes rentrés chez nous avec le cœur rempli de joie et la tête pleine de belles images de notre voyage inoubliable.